Monsieur Chaban-Delmas, vous semblez tout heureux d'avoir réintégré votre mairie de Bordeaux. Quel est votre sentiment? Je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Et vous, monsieur Georges Marchais, qui êtes-vous? C'est moi le cow-boy d'Aubervilliers. Monsieur Royer, votre chasteté est légendaire. Que faites-vous pour vous détendre, alors? Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Et vous, madame Royer, que dites-vous à votre époux? Fais-moi l'amour, pas la charité. Monsieur Poher, qu'avez-vous fait pendant votre séjour à l'Élysée? J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Monsieur Mitterrand, après le premier tour, quelle a été votre réaction? Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Monsieur Mitterrand, que pensez-vous de l'élection de monsieur Giscard d'Estaing? Je suis malade, parfaitement malade. Madame Mesmer, quel est votre souvenir le plus émouvant? Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Monsieur Chirac, vous voilà Premier ministre, qu'en pensez-vous? Pour moi, la vie va commencer. Monsieur Chaban-Delmas, que vous a dit monsieur Mitterrand sur le nouveau gouvernement? C'est la même chanson. Mais alors? Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là. Madame Giscard d'Estaing, pourquoi anémone? Je suis une fleur de province. Monsieur le Président, qu'est-ce que votre femme apprécie le plus chez vous? Les coups. Monsieur le Président, qu'y a-t-il entre vous et Edgar Faure? Y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Et entre vous et Chaban-Delmas? Il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'une dent. Monsieur le Président, que pensez-vous de monsieur Michel Debré? La folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Et d'André Malraux? Complètement toqué, je m'éclate. Complètement gaga. Monsieur le Président, le premier télégramme de félicitations que vous avez reçu était signé Jacques Chazot. Quels en étaient les termes? Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Arrête la guillée, quel est votre prochain programme? Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la dentelle. Monsieur Le Canuet, comment vous a-t-on appelé à l'issue de cette campagne? On m'appelle Simplet. Monsieur Sanguinetti, qu'avez-vous à dire à monsieur Giscard d'Estaing? Ça s'en va et ça revient. Et nous, nous concluons... C'est ça, c'est ça.